Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le jeudi 2 décembre 2021. Nous sommes bien sûr en direct, il est un peu plus de 14h. Il est 14h01 même, c'est Chris. Vous êtes dans votre émission Fréquence Libre. Et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone Stéphane Sancy, illustrateur, qui est là pour nous parler de sa carrière d'illustrateur et de tout ce qu'il fait. Donc bonjour Stéphane. Bonjour Chris. Comment ça va ? Parfaitement bien, c'est parfait, excepté le temps, malheureusement. Oui, le temps, parce que vous êtes du côté de l'Alsace, me semble-t-il. Oui, du côté de Haguenau. Voilà, il fait tout gris comme chez nous. Oui, très humide aussi. Ah oui, c'est pas évident, mais bon, on va essayer d'apporter un petit peu de lumière à travers cette heure d'émission. En plus, on va écouter du bon son dans cette émission que vous m'avez soumis. On en parlera un petit peu plus tard. Et donc, du coup, comme annoncé à l'instant, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle donc Stéphane Sancy, et je suis enseignant d'italien, né à Nice, sur la Côte d'Azur, et donc arrivé en Alsace pour exercer mon métier il y a à peu près 20 ans. Et en parallèle, j'ai la passion du dessin qui m'habite et qui m'anime depuis tout petit, et plus particulièrement la bande dessinée, et j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion un petit peu, et donc de pouvoir dessiner, de créer des bandes dessinées en parallèle de ma pratique de l'enseignement. D'accord, de toute façon nous allons parler de votre côté illustrateur durant toute cette émission. On dira peut-être aussi quelques mots sur l'enseignement donc d'italien, mais plus principalement, ça va être sur l'illustration. Donc, comme vous venez de le dire, vous êtes illustrateur. Donc, quel a été votre parcours personnel ? Est-ce que vous avez fait peut-être des études d'art ou pas ? Alors, pas du tout. Moi, je suis totalement autodidacte. D'accord. Ma mère peignait à l'huile quand elle était plus jeune, son oncle également. Donc, tout petit, je me suis mis à dessiner, à recopier des personnages de bande dessinée que j'aimais bien. Et je ne me suis jamais arrêté, en fait. D'accord. Donc du coup, j'allais vous demander comment vous est venue cette passion pour le dessin et l'illustration. C'est naturellement. Alors c'est vrai que mes parents m'achetaient des bandes dessinées. Donc c'est vrai que quand je lisais une bande dessinée, par exemple, j'adorais Lucky Luke. Quand j'arrivais à la fin de l'album et que je voyais Lucky Luke partir dans le soleil couchant en chantant sa célèbre chanson, pour moi c'était pas la fin de l'histoire, j'imaginais ce qui pouvait se passer après, où est-ce qu'il allait et ce qui lui arrivait à la fin de l'album, et je commençais à dessiner au début des petits croquis, puis ensuite des planches de bande dessinée avec la suite des aventures de Lucky Luke. D'accord, donc au début c'était tout simplement par plaisir, vous aviez peut-être pas cette ambition depuis le départ de créer votre propre BD en tant qu'illustrateur ? Alors pas du tout, non, ça c'est venu un petit peu plus tard, quand j'étais en école primaire CM1, un de mes instituteurs me voyait dessiner au tableau parfois quand il pleuvait, qu'on n'allait pas dans la cour de récréation, on avait le droit de dessiner sur le tableau, et là je faisais des grandes fresques de Lucky Luke notamment. D'accord. Et c'est lui qui m'a soufflé cette idée de créer des personnages plus personnels. Il me demandait pourquoi recopier du Lucky Luke et pourquoi ne pas créer mes propres histoires. Je l'ai pris au mot et l'été suivant, j'ai créé mon premier personnage, un détective privé, et j'ai créé ma première bande dessinée, alors de façon plutôt rudimentaire, sur un cahier avec des pages blanches et puis des feutres. Et j'avais créé une petite histoire d'une vingtaine de pages. Et c'est comme ça que ça a vraiment commencé, ouais. D'accord, comme vous le dites, de façon au départ très rudimentaire, mais bon, il faut bien commencer quelque part, du coup. Et quand on voit vous en êtes aujourd'hui dans le monde de l'illustration, c'est pas trop mal, c'est bien même, je trouve. Alors c'est vrai que parfois je regrette un petit peu de ne pas avoir pris de cours de dessin, parce que j'ai certes atteint un certain niveau, mais je pense que ce niveau j'aurais pu l'atteindre beaucoup plus vite plutôt qu'en tâtonnant et en expérimentant de mon côté tout seul. D'accord. Mais c'est vrai que le côté spontané des autodidactes peut être aussi un plus. Bien sûr. Et donc, juste avant de poursuivre, je tenais déjà à remercier Lucia de la chaîne YouTube Les Mystères de la Renarde, car c'est elle qui m'a donné votre contact, me semble-t-il. Oui, mais je la remercie aussi d'avoir pensé à moi et à l'Amex, à ma bande dessinée. En fait, je l'avais contactée parce que j'avais vu un reportage qu'elle avait fait sur sur le lac de Lamé, justement. Et je connaissais déjà son site. Un moment où je faisais des recherches sur le prochain tome de l'Amex. Et j'avais trouvé son site vraiment très intéressant. Et du coup, je l'avais contacté à ce moment-là, ouais. D'accord. Et du coup, quand j'ai fait mon émission du coup, avec Lucia dans nos locaux, d'ailleurs, elle est venue dans nos locaux depuis où elle habite. Du coup, c'est elle qui m'a dit « Ouais, vous savez, Chris, je connais quelqu'un qui fait des dessins, ça pourrait être un super sujet d'émission. » Et c'est à partir de là que je vous ai contacté. Donc voilà, je ne sais pas si elle nous écoute, mais en tout cas, si tu nous écoutes, Lucia, autant merci. Voilà. Et donc, du coup, on va poursuivre, c'était la petite parenthèse, maintenant elle est refermée. Et donc, votre métier, on va dire principal, du coup, c'est enseigner l'italien. Oui. Oui, et est-ce qu'un jour vous avez pour but, à plus ou moins long terme, de vivre de vos dessins, ou est-ce que vous voulez que ça reste à jamais une passion, bien que ça n'empêche pas le fait d'en vivre ? Alors, c'est vrai que quand j'étais au lycée, j'espérais, j'aurais bien aimé en faire mon métier principal, mais je me suis dit que ça allait être un peu dur de percer, il y a vraiment beaucoup de concurrence. C'est vrai. Même si à cet âge-là, on est sûr de soi, je connaissais déjà un petit peu le milieu, j'avais déjà présenté mes travaux à des éditeurs, et je me doutais que ça pouvait être assez compliqué de percer et d'en vivre. À Nice, je connaissais un scénariste qui avait déjà sorti plusieurs séries chez des grands éditeurs, hein, notamment Soleil, et qui n'en vivait pas. Et du coup, il avait une crêperie bretonne à Nice pour pouvoir assurer les fins de mois. Donc c'est vrai que je me suis dit, c'est peut-être mieux d'assurer un avenir professionnel plus stable. Et ensuite, si j'ai le temps, de pouvoir continuer à dessiner. Et donc c'est ce que j'essaie de faire depuis toutes ces années. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, on va faire la petite parenthèse, mais le clin d'œil, on va dire, est tout trouvé, car en tant qu'illustrateur, vous avez donc travaillé sur une BD intitulée L'Amex et éditée aux éditions du Bastberg, une maison d'édition alsacienne, me semble-t-il. Et oui. J'imagine que cette BD, vous l'illustrateur, le dessinateur, et j'imagine que cette BD est réalisée en partenariat avec un auteur aussi. Alors oui, là sur ce projet, je suis en collaboration avec Bernard Ribel, qui était venu me voir sur un salon, qui avait aimé mon style graphique et qui m'a proposé le concept de l'Amex. Et c'est vrai que depuis très longtemps, j'avais envie de faire de l'heroic fantasy. J'étais plutôt spécialisé dans la bande dessinée réaliste, le polar. Et c'est vrai que l'heroic fantasy, j'avais toujours ça dans un petit coin de ma tête, mais c'est un thème et un genre qui a été traité 20 fois, et c'est pas évident de se démarquer et d'être original. Et là, c'est vrai que quand Bernard est venu me voir sur mon stand pour me proposer son projet, il y avait un petit plus par rapport à une histoire classique d'heroic fantasy, c'est que cette histoire se déroulait dans les Vosges. Et là, on avait un petit point d'originalité qui pouvait faire la différence. Ouais. Bien sûr, on en parlera un tout petit peu plus tard. Et donc, sans trop en dire du coup sur l'intrigue de l'Amex, l'histoire, elle se passe du coup en Alsace. Alors oui, le nom de l'Amex, c'est une version, on va dire, plutôt celtique du lac de Lamé, qui se trouve dans le massif du Donon. Et donc le départ de l'histoire se passe autour du lac, hein. Il y a le village de l'Amex, qui est un village sur pilotis au centre du lac, et donc à partir de là, un groupe de héros se forme pour partir à l'aventure et défendre le Vestriche, à savoir donc la région des Vosges qui entoure le lac. Tout à fait. Et donc, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, notamment grâce aux différents documents que vous m'avez envoyés en amont pour éviter que je fasse du hors-sujet, c'est toujours mieux, j'ai eu l'occasion de lire que l'Amex est, je cite, une fusion d'Astérix et des Quatre Fantastiques avec un brin de Goldorak et un zeste de l'univers Heroic Fantasy de Zelda. Fin de citation. Donc, ces personnages, est-ce que ce sont des personnages qui vous tiennent à cœur ? Alors oui, c'est vrai que ceux qui me connaissent depuis longtemps ont pu voir que j'ai différents styles de dessin. J'aime bien adapter mon style en fonction de l'histoire. Donc c'est vrai que je peux dessiner avec un style très réaliste, proche de ce qu'on peut retrouver en franco-belge ou en comics. Je peux dessiner avec un style plus caricatural, donc Lucky Luke, Astérix. Et également, j'ai une grosse influence manga depuis les années Goldorak, Albator, Capitaine Flamme, et le Club Dorothée, etc. Et c'est vrai que tous ces thèmes se retrouvent dans mon graphisme. On peut déceler par-ci par-là ces différentes influences. Et dans la Mex, je me suis amusé justement à y cacher quelques petites références, quelques petits easter eggs, donc liés à toutes ces influences qui me tiennent à cœur. Ouais. D'accord. Et donc parmi tous ces styles que vous nous avez cités, donc le style caricatural, etc., est-ce qu'il y a un style que vous préférez pratiquer ? Ça dépend des périodes. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment très à l'aise avec le style Astérix, Lucky Luke. Mm-hmm. Ensuite, en gagnant en maturité et en développant mes histoires qui étaient de plus en plus sérieuses, avec des scénarios un peu plus denses, moins d'humour, là je me suis plutôt orienté vers un style plus réaliste, avec des hachures, un trait vraiment très, très différent. Et c'est vrai que c'est le style qui m'est pour moi actuellement le plus naturel. D'accord. Le style manga, en revanche, c'est vraiment pour moi une facilité parce que c'est un style qui est assez simple et ça prend nettement moins de temps à dessiner qu'un style réaliste. J'imagine. Et donc, du coup, dans l'Amex, pourquoi avoir voulu créer une histoire dans les dessins mélangeant tous les clins d'œil que nous venons de citer ? Est-ce que c'était pour rendre un certain hommage à tous les personnages qui vous ont suivi depuis toujours ? Alors, déjà, Bernard, quand il est venu me voir sur le salon, il lui voulait faire du manga. D'accord. Du manga pur, peu format poche, noir et blanc. Avec une forte pagination du 200-250 pages. Mmh. Sauf que c'était en 2011, si mes souvenirs sont bons. Et à l'époque, les éditeurs n'étaient pas très motivés par ce format. On n'avait pas eu encore le boom des productions françaises en manga. C'était toutes les productions françaises de manga étaient assez dénigré même par les lecteurs. Et c'est vrai que on a reçu plusieurs refus. Et Bernard voulait conserver ce style manga. Et c'est moi qui lui ai proposé de retravailler le projet, mais de le proposer dans un format plutôt franco-belge, plus classique, plus traditionnel, à savoir donc 48 pages, format A4 à peu près, et tout en couleur. Et en conservant donc le style graphique manga. Le passage à la couleur m'a fait tout de suite penser au dessin animé que je regardais donc depuis tout petit. Et j'ai eu envie que le rendu soit très proche visuellement de ces dessins animés. Et comme c'était mon premier projet professionnel, c'est venu tout seul. Dès que je trouvais que ça ressemblait à quelque chose que j'aimais quand j'étais plus petit, comme Astérix, j'ai mis des petites références à Astérix. Il y a une ou deux cases où c'est assez flagrant. J'ai même réussi à placer du Goldorak dans une histoire d'Heroic Fantasy, donc si les auditeurs ont lu la BD ou ont l'intention de la lire, ils pourront s'amuser à trouver ces petites références cachées, et notamment la référence à Goldorak, qui est plutôt bien caché, mais je me suis bien amusé en tout cas à cacher toutes ces petites références. Ouais. Oui, ça fait un genre de... ça rajoute un côté ludique et un côté jeu de piste quelque part. Oui, c'est ça. J'ai même prévu, dans quelques temps, une fois que suffisamment de lecteurs auront lu les tomes, de proposer sur la page Facebook de l'Amex que l'on a créé avec Bernard, de faire une liste de toutes les références. Mmh. Et comme ça ceux qui n'auront pas trouvé toutes les références pourront savoir quelles sont les références présentes, et puis ils pourront les cocher celles qu'ils ont réussi à déceler Ou pas. Oui, mais ça rend un petit côté sympa, je trouve. Donc, il est 14h16. Avant d'approfondir encore plus le sujet, je vous propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, que vous avez choisie. Car pour celles et ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, qui découvrent mon émission Fréquence Libre, donc dans mon émission, je laisse toujours mes invités, même Fréquence Libre dans mon émission Auteur, je laisse toujours mes invités choisir les pauses musicales à passer pendant l'émission, afin que la dite émission leur corresponde au mieux. Et du coup, nous allons écouter le célèbre groupe Deep Purple, avec leur morceau Child in Time. Cependant, nous ne l'écouterons pas entièrement, car elle est quand même assez longue, elle fait un peu plus de 10 minutes, je crois. Donc je vais la laisser 4-5 minutes, et après je la couperai tout doucement. Pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, ce morceau est typé rock, hard rock, il est sorti en 1970, et est tiré de l'album In Rock, de Deep Purple. Il s'agit du 4e album studio du groupe, album sorti le mercredi 3 juin 1970. Donc on écoute ce morceau et du coup on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct. Il est 14h22, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France. Vous venez d'écouter Deep Purple avec, on va dire, la moitié du titre Child in Time. Et nous sommes toujours accompagnés au téléphone de Stéphane Sancy, illustrateur, qui est là pour nous parler de sa carrière d'illustrateur et de tout ce qu'il fait. Ça va toujours ? Ça va toujours très bien, oui. Merci. Parfait. Donc, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau en particulier ? Bon, déjà, c'est un morceau mythique, hein, de Deep Purple. Et c'est vrai que même si j'ai des goûts musicaux assez éclectiques, j'aime vraiment tous les styles musicaux. J'aime bien passer d'un style à un autre. J'adore vraiment la musique rock, un peu hard rock, et notamment celle des années 70. Je trouve que c'est un son vraiment particulier et vraiment identifiable dès la première note. D'accord, le micro allumé, c'est mieux. Donc, donc rock, hard rock, donc, pour ne rien cacher à nos auditrices et auditeurs, les trois morceaux, donc les deux autres morceaux suivants, c'est pareil, c'est dans la même veine, rock, hard rock, avec des groupes, deux autres groupes, ma foi, bien connus dans le monde de la musique, on va dire, mais on va laisser un petit peu le suspense. Donc, on va reprendre du coup cette émission. Donc, comme nous l'avons dit au début d'émission, vous êtes professeur d'italien et illustrateur, donc c'est pas bien. Est-ce que c'est compliqué de savoir allier les deux, votre métier de professeur et votre métier d'illustrateur? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Ça dépend des périodes. On a des périodes qui sont un peu plus chargées, notamment en ce moment. Là, je n'ai pas avancé mes planches depuis plusieurs semaines. Entre les périodes de réunion parents-prof, conseil de classe, bulletin, j'interviens également aussi à l'université, donc il y a les partiels, donc les sujets à élaborer, à corriger. Donc c'est vrai que certaines périodes, je sais que je n'avancerai pas beaucoup au niveau du dessin. D'autres périodes sont un petit peu plus souples, me laissent un peu plus de temps. Mais c'est vrai que je dessine surtout la nuit, le soir, quand j'ai terminé de préparer mes cours, de corriger mes copies. J'ai la chance, on va dire, de ne pas avoir besoin de beaucoup d'heures de sommeil, donc de pouvoir me coucher tard et me lever tôt sans en ressentir les effets. Et ça permet donc de travailler au calme avec un peu de musique dans le casque. D'accord. Et donc, du coup, avant cette émission, donc vous dispensiez des cours jusqu'à 13h30 aujourd'hui, c'est ça ? Oui, oui. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop tendu pour vous préparer. Ça va, c'était bon, le timing était un petit peu serré parce que justement j'ai été convoqué à la vie scolaire pour régler un petit souci. D'accord. Et du coup, je n'ai pas encore mangé, mais j'ai l'habitude. Et donc, j'allais vous poser la question que, du coup, dans la MEX, vous refusez de vous cantonner à un seul style, que vous mêlez plusieurs influences, donc bande dessinée franco-belge, Tintin, Astérix, etc., les comics américains, sans oublier le manga. Et donc, du coup, j'allais vous redemander si c'était une volonté de votre part, mais vous aviez un petit peu répondu, donc oui, c'était un souhait, un choix. Oui, oui, ce n'est pas un choix que je fais sur chacun de mes projets. Là, c'était vraiment mon premier projet pro, on va dire. Le but, c'était justement de me faire plaisir. Et c'est vrai que ça s'y prêtait bien. Alors, c'est vrai qu'on retrouve moins l'influence comics et réaliste, hein, évidemment. Mais au niveau des décors, quand même, on peut retrouver un certain réalisme, un petit peu comme dans les dessins animés japonais, hein. Mmh. Où les décors sont souvent très photoréalistes et les personnages un petit peu plus typés manga, ils ressortent, se démarquent vraiment par rapport au fond. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ce que j'ai essayé de rendre dans la bande dessinée de la MEX. D'accord. Et justement, donc je crois que vous l'avez un petit peu dit aussi tout à l'heure, pourquoi le nom de la MEX ? Oui, donc ça c'est tiré du lac, hein. Et du village de la MEX, qui à l'origine, hein, dans le massif du Donon, vous pouvez voir ce lac, hein, qui s'appelle le lac de Lamé, en deux mots, L-A, et plus loin, M-A-I-X. Et Bernard a voulu lui donner une, consonance un petit peu plus celtique, et donc l'a appelé Lamex. Mmh. Donc du coup, M-A-I-X, comme vous l'avez dit, pour l'AMEX, et l'AMEX, donc c'est M-E-X. Voilà, donc là c'est assez proche, on peut reconnaître, si on connaît déjà le lac d'origine, on peut faire facilement le rapprochement. Et c'est d'autant plus simple que sur la quatrième de couverture de l'album, nous avons eu l'idée de mettre une carte des Vosges, donc, mais juste une partie, avec quelques lieux identifiables et quelques lieux qui apparaissent dans la bande dessinée, donc notamment le mont Donon, qui s'appelle donc Don dans la bande dessinée, le lac de l'Amex, donc rebaptisé, et la porte de pierre que l'on peut aussi voir en se promenant, en faisant une petite randonnée dans le massif du Donon, et qui a un rôle prépondérant dans le premier tome. D'accord, donc le premier tome qui s'intitule, me semble-t-il, Les Gardiennes. C'est exact, oui. Ouais. D'accord. Et donc, petite anecdote, ma foi, plutôt sympathique, que j'ai trouvée, que j'ai eu l'occasion de lire en préparant cette émission. Donc, comme nous l'avons dit un peu plus tôt, cette BD est dans une maison d'édition, je recherche le nom de la maison, des éditions du Bastberg, voilà. Ouais. Et je crois savoir, corrigez-moi si je me trompe, que l'actuel directeur de cette maison d'édition est un de vos anciens élèves. Alors oui, c'est exact. Au tout début où je suis arrivé en Alsace, c'était en 2002, il était dans ma classe de 3e, donc il était au collège. Je l'ai suivi, accompagné jusqu'au bac, jusqu'en terminale. Après, je n'avais plus de contact avec lui. Je l'ai recroisé plusieurs années plus tard, par hasard, et je lui ai demandé ce qu'il devenait. C'est là qu'il m'a parlé de son activité d'éditeur. Et donc, il m'avait dit que je n'avais pas hésité à lui envoyer des projets, si j'avais des projets de bande dessinée, parce qu'il savait que je dessinais, que je faisais des bandes dessinées. Donc, il m'a dit si j'avais un projet intéressant, que je pouvais le lui soumettre. Chose que j'ai faite avec la première mouture donc de l'Amex en version manga, et projet qu'il a refusé. Comme quoi, pas de favoritisme pour son ancien enseignant, ah oui. Son ancien prof d'italien. Il a refusé, et par contre, quand on a retravaillé le projet, là c'était un peu plus intéressant. Alors il y avait le côté alsatique qui l'intéressait, mais le format était plus approprié à ce qu'il recherchait, donc format cartonné, tout en couleur. Mmh. Et finalement, donc la deuxième tentative a été la bonne. Parce que donc du coup, finalement, l'aventure de l'Amex, du coup, elle n'a pas toujours été de tout repos. Ah non, oui, ça a pris pas mal d'années. Même la collaboration avec Bernard, c'est pas évident de travailler quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bien sûr, j'imagine. Surtout pour un illustrateur, essayer d'imaginer ce que le scénariste a en tête. Donc c'est vrai que Bernard imaginait les décors, les couleurs d'une certaine façon. Moi, en lisant son scénario, je les imaginais d'une autre façon. Et parfois, c'était pas du tout raccord. C'est vrai que la première page du premier tome de l'Amex, on a passé plusieurs semaines pour bien caler le tout, bien trouver les couleurs qui correspondaient à ce qu'il avait en tête. Donc c'est vrai que ça a été, au début en tout cas, un petit peu long à se mettre en place. Et à partir du moment où j'ai bien compris ce qu'il avait en tête, ensuite ça a bien roulé. Je lui proposais une planche, il me l'a validée immédiatement, et ça continue vraiment sous les meilleurs auspices, en tout cas au niveau de notre entente, au point qu'il m'a même demandé d'illustrer une de ses nouvelles qui a été publiée sur l'almanach du Messager Boiteux. D'accord. Ok, ouais, c'est comme ça, même le partenariat, du coup le travail d'équipe n'est pas que que pour l'Amex, c'est également à côté aussi. Oui, oui, là ça a permis de développer un petit peu notre collaboration avec un style un petit peu plus différent, donc du coup là c'est vraiment du style plus réaliste, ça permet de varier les plaisirs, de varier un petit peu les styles graphiques. Bien sûr, et donc du coup... l'AMEX, vous l'avez dit, c'est votre premier projet professionnel. Donc, est-ce que vous aviez déjà d'autres publications auparavant à votre actif, ou est-ce que l'AMEX, c'est vraiment la première des premières? Alors, au niveau bande dessinée, publiée chez un éditeur, c'est la première. Auparavant, j'avais déjà publié des illustrations ou des histoires très courtes chez des éditeurs, mais c'est vrai que au niveau bande dessinée, c'était le premier travail vraiment professionnel chez un éditeur. J'avais publié pas mal de webcomics en ligne qu'on peut toujours voir et lire, hein, notamment sur le site Amilova ou Manga Draft, et ça permet aussi de s'entraîner, de tester de nouvelles thématiques, de nouveaux styles graphiques. Et c'est vrai que on a un contact vraiment direct avec les lecteurs, car sur ces plateformes, ils peuvent laisser des commentaires. Ils peuvent même imaginer ce qui va se passer sur les pages suivantes, puisqu'on publie de manière régulière des planches, une ou deux par semaine. Et c'est vrai que souvent les lecteurs, en commentaire, bon, nous disent ce qu'ils en ont pensé. Parfois, se prêtent au jeu de deviner ce qui va se passer. Et donc, c'est bien d'être en contact avec les lecteurs, chose qui est moins possible sur une bande dessinée plus classique, plus traditionnelle, excepté lorsqu'on est en dédicace sur des salons ou dans des librairies. Bien sûr, ouais, j'imagine bien. Et donc, quand les auditrices et auditeurs liront votre BD, s'ils sont intéressés, je crois savoir, du coup, comme vous l'avez dit, qu'ils voyageront, qu'en effet, ils iront du massif forestier des Fauchens, donc les Vosges, au fleuve adjacent Rhein, sans oublier le lac village de la Mais, qui donne d'ailleurs son nom à l'ouvrage, donc l'Amex, et ils auront aussi à la Porte de Pierre. Donc, est-ce que, d'après vous, c'est tout cet aspect, on va dire, familier, qui séduit les lecteurs déjà conquis et les lectrices déjà conquises? Alors oui, c'est vrai que cet aspect peut déclencher l'envie et déclencher l'achat, hein. Souvent des personnes feuillettent la bande dessinée, le style peut leur plaire, mais c'est vrai que dès qu'ils tournent la quatrième de couverture et dès qu'ils voient que ce sont des lieux familiers, c'est vrai que là ils se disent ah tiens, c'est original, et ça peut les motiver à en lire plus, hein, du coup. Donc je pense que cet aspect alsatique, cet aspect local est un plus, hein, pour cette histoire, pour cette bande dessinée. Bien sûr. Et donc du coup, cette BD l'Amex, elle est donc de type heroic fantasy, mais du coup vous avez ajouté un côté manga dont l'action est située en Alsace. Donc ça, c'est un point novateur dans le monde de la BD. Alors oui, c'est vrai que c'est novateur, et on savait que ça pouvait ne pas être accessible à tout le monde. C'est pour cette raison que, parce que dans les dialogues, y a pas mal d'humour, hein, dans cette histoire. Et Bernard s'est amusé à utiliser également des expressions ou du vocabulaire alsacien. Et pour ne pas dérouter les lecteurs qui ne connaissent pas l'alsacien, il a eu l'idée de mettre un lexique en fin d'album avec toutes les expressions et leurs traductions en français. Ça apporte aussi un petit plus. Bien sûr, pour permettre la compréhension à tout le monde, du coup. Voilà, du coup, ça reste accessible partout en France, ou à tous les francophones, même ceux qui ne sont pas de la région. Bien sûr. Et donc, on parlait des inspirations, voilà, des influences, et personnellement je n'ai encore pas eu la chance de lire votre BD, mais comme je suis votre actualité sur les réseaux sociaux depuis maintenant plusieurs mois, comme vous le savez, j'ai remarqué dans les photos, dans les images que vous publiez, une forte influence de la série emblématique Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Oui, alors c'est vrai que c'est une série qui m'a énormément marqué. Alors déjà graphiquement, hein, c'est vrai que le style de Shingo Araki, de Michi Emeno m'a vraiment marqué dès les premiers épisodes. Ensuite, j'étais déjà passionné par la mythologie grecque. Donc là, cette série était vraiment faite pour moi. Et chose un petit peu drôle, c'est que je me suis rendu compte que ce style graphique, qui me plaisait tant, je l'avais déjà aimé auparavant, mais sans en avoir conscience, parce que ce sont les mêmes auteurs qui ont dessiné Lady Oscar, Ulysse 31, et pas mal d'autres séries. Donc c'est vrai que je ne le savais pas, mais ce style de dessin m'attirait déjà depuis bien avant Senseiya. Et c'est vrai que ce duo de dessinateurs a atteint vraiment son apogée graphique avec cette série qui a eu un succès mondial et qui continue encore, hein, puisque la série en manga continue et il y a régulièrement des versions animées, des spin-offs, voire un remake réalisé par Netflix, mm-hmm. plutôt adressé avec un style très différent en 3D, assez éloigné donc du style de dessin de Shingo Araki, et qui est plutôt adressé à un jeune public qui ne connaîtrait pas la série d'origine. Bien sûr, pour permettre également que tout le monde puisse y accéder, donc l'accès à tout le monde. Et donc, je crois aussi savoir qu'il y a quelques années, il y a quelques temps, vous avez eu la chance de remporter un grand concours de BD organisé par l'éditeur français du manga, la maison d'édition appelée Kana. Oui, alors Kana, oui, c'est on va dire la branche manga de Dargo. Il y a pas mal d'années, quand le manga d'origine a été publié en France, donc aux éditions Kana, ils avaient organisé un concours de bande dessinée libre. On n'avait pas de thématique, si ce n'est qu'il fallait faire donc un dessin de bande dessinée sur Senseiya, les Chevaliers du Zodiac. Et j'ai gagné donc ce concours, et mes deux planches avaient été publiées à la fin du volume 12 de la première édition. Et c'est quelque chose qui m'a fait évidemment énormément plaisir. Et encore aujourd'hui, pas mal de lecteurs qui viennent me voir en salon se souviennent de ces planches, puisqu'on m'en reparle, on me dit « Ah, mais c'est pas vous qui aviez dessiné les planches sur le volume de Senseiya ». Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui avait même marqué les lecteurs, et on m'en reparle donc régulièrement encore aujourd'hui. D'ailleurs, la maison d'édition Kana qui existe toujours aujourd'hui, qui continue d'éditer des mangas encore aujourd'hui en 2021. Oui, notamment donc une nouvelle version de Senseiya, version avec des volumes un peu plus gros, un peu plus épais, et avec quelques pages couleurs qui se trouvaient déjà dans la version de prépublication au Japon. D'accord, ok. Donc il est 14h presque 40. Avant de poursuivre cette émission, je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale que vous avez choisie une nouvelle fois, et que nous écoutions cette fois-ci le célèbre groupe Guns, les Guns N' Roses, avec leur non moins célèbre titre Welcome to the Jungle, un titre que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie, je pense. Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, ce titre est à nouveau typé hard rock. Il est sorti en 1987 et il est tiré de l'album Appetite for Destruction de Guns N' Roses, album sorti le mardi 21 juillet 1987. Alors, on écoute du coup ce titre, on va s'ambiancer sur ce titre pendant un peu moins de 5 minutes et on se retrouve du coup juste après. Donc à tout de suite sur Radio Game Ozo. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo. Vous êtes toujours en direct. Il va être 14h45. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers comme la Belgique, la Suisse ou encore l'Allemagne. Vous venez d'écouter les Guns N' Roses avec leur célèbre morceau intitulé Welcome to the Jungle et nous sommes toujours en compagnie par téléphone de Stéphane Sancy, illustrateur, qui est là pour nous parler de sa carrière d'illustrateur et de tout ce qu'il fait. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Stéphane? Ah, c'est parfait, merci. Parfait. Alors, même question que pour la première, fréquence musicale, pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau? Comme tout à l'heure, le morceau évoquait plutôt les années 70. Là, c'est un groupe qui a marqué mes années collège, les années 80. Et c'est un groupe que j'ai suivi donc pendant pas mal d'années et que je continue à écouter de temps en temps, notamment un hypothétique futur nouvel album. D'accord. Et donc, justement, vu qu'on écoute de la musique dans cette émission, quelle est votre méthode de travail? Est-ce que vous travaillez en musique ou est-ce que vous ne pouvez pas travailler autrement que dans le silence? Alors non, j'aime bien travailler en musique. Ça dépend du type de scène que je dessine. J'aime bien avoir une musique qui me donne un rythme. Alors ça peut être du métal, du hard rock, si ce sont des scènes d'action. Sinon, j'aime bien écouter des musiques de films, des bandes originales de films, notamment les bandes originales réalisées par Hans Zimmer, que j'adore, mais pas seulement, il y a d'autres compositeurs qui me plaisent et que j'aime bien. Ça me met dans une atmosphère et ça donne un rythme au dessin. Donc c'est vrai que c'est plutôt agréable de travailler en musique. Et ça permet d'être dans son monde, d'être un peu déconnecté et de ne pas penser à autre chose pendant ces moments-là. C'est ce que je voulais dire, vous vous mettez dans votre bulle. Oui, c'est ça, ouais. J'arrive à me mettre dans ma bulle, même sans musique. Hein. Quand je suis concentré sur un dessin, j'oublie tout. Hein. Je peux oublier l'heure, le jour, le mois, même le temps qu'il fait. C'est vrai que je suis vraiment concentré. Plus rien n'existe à part le dessin. Ouais. Donc justement, comme vous le dites, ça peut vous arriver d'oublier l'heure, etc. Donc est-ce que ça vous est déjà arrivé vous êtes en train de dessiner, etc. Puis vous levez la tête, vous regardez l'heure et vous vous dites « Ah oui, quand même, il est déjà cette heure-ci. » Trop souvent. D'accord. Il m'était même arrivé il y a très très longtemps de faire une nuit blanche. Ah oui. Je préparais un salon, donc j'avais beaucoup de... Je voulais avoir de la nouveauté, de nouvelles illustrations. Et je me souviens que j'avais presque terminé une illustration. Je pensais en avoir que pour une petite trentaine de minutes. Et finalement, j'ai continué à dessiner dessus et à la peaufiner. Et quand j'ai levé les yeux, il commençait à faire jour et j'avais passé la nuit à dessiner, ouais. Ah oui, d'accord. Donc ça peut arriver. Alors ça m'arrive moins souvent, mais parfois si je me dis par exemple à une heure je vais me coucher, peut arriver que je déborde d'une heure, voire une heure et demie, ouais. D'accord. Et donc justement pour faire une illustration, combien de temps ça vous prend? J'imagine que ça doit dépendre des éléments dans l'illustration, du type d'illustration réalisée. Alors oui, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Ça dépend du nombre de personnages, du style de personnage. Donc si c'est du réaliste, c'est beaucoup plus long que du caricatural ou du manga. Ça dépend du décor, s'il y a beaucoup d'éléments à dessiner ou à coloriser. Donc c'est vrai que ça peut prendre une heure, comme ça peut prendre une journée entière, voire sur certains décors. J'avais fait une bande dessinée qui parlait de la situation des libraires pendant le confinement et que j'ai mise sur Manga Draft notamment. Je sais que la première case où j'ai dessiné la place Kléber à Strasbourg, j'ai passé quasiment une semaine dessus. Alors je n'ai pas dessiné à 100% à temps complet dessus évidemment, mais c'est vrai que je l'ai terminé en plusieurs jours et donc en quasiment une semaine, juste cette case-là. D'accord. Et donc, quand vous arrêtez en pleine illustration, c'est pas trop compliqué de vous remettre dans l'ambiance de l'illustration en question ? Non, c'est une habitude que j'ai. Donc, c'est vrai que dès que je peux dessiner même quelques minutes et passer à autre chose, parfois, si j'ai des trous entre deux cours, que je n'ai pas de copie à corriger ou que mes cours sont bien préparés, que j'ai rien à retoucher, c'est vrai que je peux très bien dessiner 30 minutes avant de retourner à mon cours. Donc c'est vrai que j'ai pas cette difficulté là non. D'accord, donc vous ne restez jamais sans rien faire du coup? Ah non, c'est impossible, je n'arrive pas à rester inactif, ouais. D'accord. Il faut toujours que j'ai toujours de toute façon un crayon, un bout de papier. Dès que je peux dessiner, si j'ai un nouveau personnage, un nouveau design de personnage qui me vient en tête, j'ai toujours quelque chose sous la main pour pouvoir griffonner même quelques secondes quelque chose. Ouais. D'accord. Et donc nous ne l'avons pas encore dit, mais du coup votre série avec Bernard Ribel, votre série Lamex est divisée en plusieurs tomes que vous appelez des chapitres. Donc combien, le chapitre 1 qu'on a dit tout à l'heure, les gardiennes, donc combien de chapitres voyez-vous pour terminer cette série? Alors au départ c'était prévu pour être un one shot, donc un seul tome. D'accord. Et suite à nos discussions, nos échanges d'idées, Bernard développait son histoire de plus en plus. Et ensuite, on s'est fixé sur une trilogie, donc sur trois tomes. Le deuxième tome, donc le chapitre 2, intitulé Grovetal, donc se déroule plutôt donc autour du Grovetal et de ses maisons troglodytes à la couleur bleue particulière, qui est sorti il y a quelques mois, il est sorti au printemps dernier. Et donc, il y aura un troisième et dernier tome pour conclure l'histoire. Et là, ça se passera plutôt du côté du rocher du Dabo. D'accord. Donc voilà un peu un petit indice sur ce qui se passera dans le tome 3. D'accord. Et donc, du coup, comme dans le premier tome s'intitule du coup Les Gardiennes, donc j'imagine que dans ce premier tome, dans ce premier chapitre, vous avez accordé une grande place à la gente féminine. Alors oui, c'est vrai que déjà dans le groupe, il y a deux personnages féminins et deux personnages masculins. D'accord. Donc vraiment parité homme-femme parfaite. Il faut que leur entente soit aussi parfaite pour pouvoir fusionner en personnages donc de la Gestalt. Le chef du village est également une femme qui a des pouvoirs magiques assez impressionnants. Et le village est également protégé par un groupe de quatre gardiennes. Donc c'est vrai que les personnages féminins forts et donc de premier plan hein, sont assez assez nombreux dans la Mex, oui. D'accord. Et pour en revenir à vos influences, je crois savoir également que une autre de vos influences, c'est le célèbre auteur, le célèbre écrivain Tolkien, célèbre écrivain de la saga Le Seigneur des Anneaux. Oui, évidemment. Alors quand on aime l'heroic fantasy, évidemment, on ne peut pas passer à côté de Tolkien et de son œuvre. Influence qu'on retrouvera également dans la Bex, et notamment le personnage de Tox, hein, le nain Tox, est très inspiré de Gimli, donc un des personnages du Seigneur des Anneaux. D'accord. Et également, il me semble de savoir que vous avez un objectif à plus long terme avec Bernard Ribel pour l'Amex. Enfin, vous aimeriez bien, hein, on va dire, un espoir à plus long terme. Alors, oui, bon, on a plusieurs projets pour développer l'Amex, mais ça, on verra plus tard si on a des infos à diffuser, mais c'est vrai qu'on aimerait bien le voir traduit, pourquoi pas en alsacien, pourquoi pas en italien, et pourquoi pas au Japon, vu la proximité avec le style manga. Donc là, c'est un rêve qui nous tient à cœur et qu'on aimerait bien voir réalisé. Mm-hmm. Peut-être une adaptation aussi à la télé, non? Ça, c'est vrai que c'est mon rêve depuis tout petit, hein, de voir mes personnages s'animaient. Je me suis déjà amusé à faire des petites animations et c'est vrai que faire des petits courts-métrages de l'Amex, c'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête et qui sait hein, si j'ai un peu de temps à y consacrer. C'est possible que je le fasse déjà moi-même pour m'amuser hein, et que ça pourra être donc diffusé sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Mais c'est vrai que si un studio pouvait être intéressé par l'univers de l'Amex, je pense que visuellement ça pourrait être un projet intéressant au niveau visuel. Ça, je pense que l'univers pourrait être assez intéressant. Bien sûr. Et donc, du coup, de plus, si jamais certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs veulent en savoir plus sur la culture japonaise, il faut savoir que du côté de Strasbourg, une librairie spécialisée dans la culture japonaise et le manga, il y en a une qui s'appelle le Camphrier. Oui. Voilà, il me semble que vous êtes déjà rendu avec Bernard Ribel pour une autre séance de dédicace, me semble-t-il. Alors oui, on a déjà dédicacé les deux tomes à leur sortie. Et c'est vrai que Fabrice, hein, le patron de cette librairie, hein, le Camphrier, anciennement Kaobang, je le connais donc depuis une vingtaine d'années et il organise également un salon, une convention manga et culture japonaise deux fois par an. C'est une convention qui a vraiment grandi. Au début, ça se déroulait à la salle de la Bourse, ensuite à l'espace Marceau, Palais des Fêtes. Et maintenant, preuve de son succès, elle a lieu carrément au Zénith de Strasbourg. Et c'est grâce au Camphrier, à la Japan Addict et à Fabrice hein, que Bernard et moi nous sommes rencontrés parce que Bernard était allé voir Fabrice pour lui demander s'il connaissait hein, des dessinateurs au style manga hein, pour son projet. Et Fabrice lui a dit, bah, tiens justement, dans quelques jours ou semaines, je ne sais plus trop, il va y avoir une Japan Addict. Et là, beaucoup d'auteurs locaux inspirés par le manga seront présents, auront des stands pour présenter leur travail. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Bernard Ribel. D'accord. Et donc, comme nous l'avons dit, vous êtes du coup professeur d'italien. Donc, est-ce que vos élèves savent que vous dessinez également, que vous avez participé à une série, à une BD ? Alors, oui, ils le savent assez vite. Hein. Il m'arrive assez fréquemment pour expliquer un mot ou pour un exercice sur les vêtements, par exemple, ou les parties du corps humain, plutôt que de reprendre une image classique sur un manuel. Je préfère dessiner un personnage manga au tableau. Et là, je sais que tout de suite, je capte leur attention. Et là, tout de suite, le cours se passe très bien. Et on voit qu'ils sont plus motivés, ils sont vraiment intéressés. Et donc voilà, il y a déjà cette petite approche. Hein. Mais les élèves s'en rendent très vite compte aussi parce qu'ils aiment bien chercher sur Google les noms de leurs profs, j'ai remarqué, puisque certains ont vu que j'avais donc déjà sorti des bandes dessinées, certains ont vu que j'avais une page TikTok ou Facebook ou YouTube pour y présenter mes dessins en live ou mes timelapse par exemple. Donc c'est vrai que oui, et ça me permet de voir avec eux, comme si le public, on va dire cible, si j'ai un nouveau design de personnage, je peux le leur montrer en fin de cours, et je vois un petit peu en fonction de leur réaction si c'est un personnage qui a du potentiel ou pas. D'accord. Donc nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de conclure, je vous propose, on va dépasser un petit peu, mais c'est pas bien grave, je vous propose de nous lancer directement dans une troisième et dernière fréquence musicale de votre choix une nouvelle fois, et que nous écoutions un autre groupe célèbre, Muse, avec leur morceau Plugin Baby. Une nouvelle fois, comme pour les deux premières fréquences musicales, au niveau des quelques références, ce morceau est un petit peu plus récent, il est sorti en 2001. Il est à nouveau typé rock, musique alternative, indé, metal, progressif, tout ça à la fois. Et il est tiré de l'album Origin of Symmetry de, voilà, accent anglais toujours présent, nos auditrices et auditeurs le savent, Origin of Symmetry, on va dire, voilà, de Muse, album sorti le lundi 18 juin 2001. Il s'agit du deuxième album studio du groupe, le premier étant Showbiz, sorti en 1999, pour un total aujourd'hui de 8 albums et un neuvième en préparation qui devrait sortir normalement pour... en 2022. Voilà, donc on écoute cette musique et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo. Plugin Baby de Muse sur Radio Gemozo. Vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Stéphane Sancy, illustrateur, qui est là pour nous parler de sa carrière d'illustrateur et de tout ce qu'il fait. Tout est toujours bon pour vous ? Toujours, toujours, merci. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes fréquences musicales. Vous êtes habitué désormais. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez choisi ce titre de Muse ? Alors, oui, c'est le premier titre qui m'a fait connaître le groupe. J'ai été vraiment impressionné par la voix du chanteur, hein, qui a une voix de ténor et qui a réussi à allier justement sa formation classique et au rock progressif. Et je trouve que ça s'entend sur beaucoup de ces morceaux, et je trouve que c'est ce qui fait l'originalité de ce groupe que j'adore et que je regrette de ne pas encore avoir pu voir en concert. D'accord, bah peut-être dans le futur. Oui, j'espère. Donc voilà, comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé ? Non, je pense que là, on a pu voir vraiment pas mal d'aspects différents. D'accord. Et si nous voulons vous suivre et suivre votre actualité, comment ça se passe ? Là, on est en pleine promotion, donc on est en train de faire des séries de dédicaces. Pour se tenir au courant des prochaines séries de séances de dédicaces, il suffit d'aller nous suivre sur la page de l'Amex, sur Facebook ou sur mon profil. Même chose sur Instagram, où je poste très régulièrement des dessins, des news sur l'avancée du tome 3 de l'Amex, et évidemment donc des dates de sortie et de dédicaces. De toute façon, je mettrai tous les liens utiles en podcast de cette émission en début de semaine prochaine, comme ça les gens auront juste à cliquer sur les liens pour arriver directement sur votre page, que ce soit Instagram, Facebook, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Que le tome 3 sorte plus vite que le tome 2, hein, qui avait été pas mal retardé, hein, à cause des différents confinements. Donc en espérant que cette pandémie déjà se calme un petit peu et nous pose moins de soucis de manière générale. Beaucoup de succès pour l'Amex, et en espérant que ça plaise toujours autant aux lecteurs. Ben c'est tout ce qu'on vous souhaite. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte ? Non, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je remercie Lucci d'avoir pensé à parler donc de l'Amex lors de son passage. Et à vous donc de me suivre aussi fidèlement. Je vois à chaque fois quand vous likez. Toutes les sorties de mes dessins, et évidemment donc de m'avoir invité sur la radio Game Ozo, hein, pour pouvoir partager ma passion pour le dessin et la bande dessinée avec tous vos auditeurs. Avec plaisir. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est à mon tour du coup de vous remercier, Stéphane, d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain vendredi à 18h avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook en début de semaine prochaine. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail si vous voulez la récupérer. Stéphane. Oui, merci. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Game Ozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, on se retrouve lundi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux Diana Kennedy, artiste-auteur, qui était déjà venue il y a quelques temps avec Lou, une de nos anciennes animatrices, à Radio Game Ozo. Mais cette fois-ci, ce sera moi qui reprendrai le flambeau, qui nous parlera du coup de sa nouvelle actualité. Donc merci de votre fidélité à Radio Game Ozo, et du coup je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à lundi. Donc salut.